ciel. J'ai les yeux, les seules mains sur ma bleue. Je vais dunk finir un vieux avant que je le peux. Finalement, des yeux, qu'est-ce que j'ai vu? Tu ressembles à aussi toi. Sur le toit. Oui, baby, je suis là. Prête à être ton soldat. Sois mon chéri pour la vie. Viens ce soir dans mon lit. Mon cœur, tu sais quoi? Tu ressembles aux étoiles, aux fleurs, au cœur, au cheval et au poète. Tu sais quoi? Ma caisse, côté de toi, elle est pas belle. Oula, c'est quoi? Je crois que c'est ça, non? Oui, je pense. Ouais, bon, faudrait arrêter avant qu'on dégénère comme certains, en fait. Voilà. Bon, ben, au revoir. Merci d'avoir écouté cette dub. C'était pour rigoler. Merci, au revoir.